sommes un groupe sauvage, farouche mais pas féroce. Nous avons un pied dans l'univers des fantasmes et l'autre dans la réalité. En pas comme des bêtes malsaines et impopulaires, nous obéissons à l'instinct des charognards. Comme lui, nous avons appris la patience. Comme lui, nous croyons que le rock'n'roll est la dernière aventure du monde civilisé. Le jour où le mal du bien sera légal, quand les mauvais garçons ne seront plus que des garçons, des filles de mauvaise vie plus que d'adorables salopes, de vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. Vivre de camp en camp, en hommage aux nomades, de pillage en pillage, en hommage à la rage, et torcher en orgie pour bafouer tous les hommages, de vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. Et souvent nous vibrons jusqu'au bout de nos fibres, quelques gorgées d'alcool pour nous donner la pulsation, de vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. Oula. Nous ne vivons pas en cadence mais nous vivons en rythme. Nous martelons en rythme le sol du monde et nous scandons en rythme la même incantation, de vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. De vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes, comme des cavernes, comme des cavernes, comme des cavernes, comme des cavernes, comme des cavernes, plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées, plus de chefs, plus de flics, plus de curés. Plus de chef, plus de flic, plus de curé, plus d'armée. Plus de chef, plus de flic, plus de curé, plus d'armée.